vodka flambé, rhum arrangé, faut que tout passe. Tabac brûlé, herbe roulée, et qui délasse. Je m'en vais et j'oublie tout. Je m'envole et je deviens fou, et c'est ma vie, je bois, je fume, et je m'allume, oublier ce que je sais. Je bois, je fume, et je m'allume, pour oublier celle qui me hait. Je bois, je fume, et je m'allume, on dit que j'ai perdu le sourire. Je bois, je fume, et je m'allume, je me noie dans trop de souvenirs. L'amour pareil, jamais de merveille, y'a plus de critères. Je perds le sommeil depuis que le soleil a quitté la terre. Je m'envole, tant pis pour elle. Je m'envole, je me fais la belle, et c'est ma vie. Je bois, je fume, et je m'allume, pour oublier ce que je sais. Je bois, je fume, et je m'allume, pour oublier celle qui. Je bois, je fume et je m'allume. On dit que j'ai perdu le sourire. Je bois, je fume et je m'allume. Je me noie dans trop de souvenirs. Je sais bien qu'elle détient mon destin. J'y peux rien si tous deux nous sommes loin. La musique si nostalgique quand je parle d'elle. Si dans ma rythmique je trouve le déclic, je rejoins le ciel. Je m'envole bien loin d'ici. Je m'envole et elle aussi. Adieu ma vie, je bois, je fume et je m'allume. Pour oublier ce que je sais, je bois, je fume et je m'allume. Pour oublier celle qui. Je bois, je fume et je m'allume. On dit que j'ai perdu le sourire. Je bois, je fume et je m'allume. Je me noie dans trop de souvenirs. Je bois, je fume et je m'allume. Oublier ce que je sais. Je bois, je fume et je m'allume. Oublier celle qui me hait. Je bois, je fume et je m'allume. On dit que j'ai perdu le sourire. Je bois, je fume et je m'allume. Je bois, je fume. Je bois, je fume. Je bois, je fume.